quand on te voit sur ta monture, quelle allure et quelle stature, un vrai modèle de droiture, une force de la nature, ou bien es-tu qu'une raclure, un animal de luxure qui court à l'aventure, y a-t-il un cœur sous ton armure? Délivre-moi de ma ceinture, viens en moi petite tordure, apprends-moi là de la luxure. Je t'aimerai si tu me jures, je t'aimerai si tu me jures, qu'on apprendra la zingara. Cool. Tu chantes bien, dis donc. J'ai vu que t'avais un accent anglais. Et tu sais chanter des trucs anglais, genre un truc pourri, genre Katy Perry.